Par un jour d'été, alors qu'elles jouaient dans le salon de leur maison, Lizzie et Lottie eurent une idée. Une idée tout à fait géniale. Aller de l'autre côté du monde.